verrà la glicerina, il sartino, il grossettino, la gelina, la e sottata la piscina, questo come sa cucina, e sa vietta un po' cucina, ci getteremo a verso, c'è il guarreggio di Dios, c'è il giovane o flitox, e coulé contre un jukebox, ressortant de la piscine, pour monter dans son hostile, il prit la direction des îles, pour aller acheter l'usine, si j'étais vraiment un os, je boirais que du viandos, je me shooterais au flitox, écroulé contre un jukebox, il entendit sonner ma c'était le moment de voir la fille. Oh ouais. Voyant les voyous en blue jean s'acharner sur une machine, il se tourna vers sa voisine qui lisait un magazine bien qu'étant plutôt radine. Et il vit par la vitrine la vieille reine jadisérine, munie d'une carabine, poursuivi par une latine qui avait de grosses canines. Il dit faut pas que je baline, filez-moi une tartine, que je finisse ma bimine. Je vais partir dans les collines, voir ma collection sardine, et c'est ainsi que l'histoire termine. Bon Dieu.